Pour terminer ma présentation des chroniqueurs du Moyen-Âge, nos premiers historiens en langue française, voici quelques extraits des mémoires de Philippe de Comines, rédigés au XVe siècle. Les six premiers livres de ces mémoires se rapportent au règne de Louis XI.